Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La traque par la police des commerçants ambulants et les mendiants dans la ville de Bujumbura est une opération de routine. C'est l'explication que donne le porte-parole de la police. Mais à l'Assemblée nationale, l'on reconnaît que le commerce ambulant est légal. Le Burundi a jusqu'au 12 octobre prochain pour réagir au rapport du comité de l'ONU contre la torture. Un rapport publié après la 58e session qui était spécialement consacrée au Burundi, à Genève. Et ce 13 août, les Banyamulenge du Burundi ont commémoré un triste anniversaire de l'assassinat de leur à Gatumba. C'était en commune Mutimbuzi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une rafle pour traquer les commerçants ambulants et d'autres personnes qui errent en mairie de Bujumbura s'est poursuivie. Même aujourd'hui, la police anti-émeute avait arrêté 141 personnes ce vendredi, mais 120 restent encore en prison. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, indique que cela ne devrait pas faire peur aux gens parce que c'est une opération de routine de la police nationale. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Marie-Ange Zeyman. C'est une opération de routine de la police qui ne devrait pas inquiéter les gens parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la prévention contre les crimes qui peuvent être commis par les catégories qui ont été concernées hier, qui sont les vendeurs ambulants, les mendiants et également les prostituées. Une douzaine de prostituées ont été appréhendées à Nyakabiga et Rohero. Et tandis que pour l'ensemble et pour les autres catégories, et on a appréhendé autour de 141 personnes et 20 ont été déjà relaxées après identification. Maintenant, le travail d'identification se poursuit. Quand on arrête une personne sans autre explication et il n'a pas manqué de carte d'identité et qu'on l'embarque, est-ce que vous ne croyez pas que ça fait peur aux gens? Non, ça ne devrait pas faire peur aux gens parce que je vous ai précisé les catégories qui étaient concernées par l'opération. Il peut y arriver qu'il y ait l'une ou l'autre personne qui aurait été appréhendée en même temps que les membres de ces catégories. Mais après l'identification, les personnes qui ne font pas partie de ces catégories sont directement libérées. Oui, il y a une autre catégorie de personnes qui a été arrêtée et qu'on n'avait pas l'habitude qu'on les voit arrêtées. Ce sont les vendeurs des cartes de recharge. Ils ont été arrêtés et leurs cartes, y compris l'argent, y compris. Oui, en principe, les objets qui étaient en train d'être vendus par ces personnes sont remis à ces personnes parce que la police arrête les détenteurs de ces objets qui, eux, commettent l'infraction. Est-ce que réellement ces commerçants ambulants qui perdent d'une façon ou d'une autre dont ces rafles leurs marchandises, est-ce qu'ils les reprennent? Ils ne perdent pas leurs marchandises parce que, vous savez, c'est la responsabilité pénale, elle est personnelle, c'est la personne qui est concernée et non les objets qu'il avait entre ses mains. Pierre Mouriki est porte-parole de la police au téléphone avec Marie-Ange Nzeimana. L'ignorance de la loi, et c'est à la base du mauvais traitement des commerçants ambulants dans la capitale Bujumbura. C'est une intervention faite par le député Claver Choyitungiye après la présentation semestrielle des réalisations de la deuxième vice-présidence. Dr Joseph Poutoré a alors remercié ce député et a promis de suivre cette question. Dorine Ndairorere pour les détails. Le code du commerce éclaircit comment se fait le commerce ambulant. L'honorable Claver Choyitungiye affirme que le code du commerce permet son genre de commerce car le commerçant est inscrit à la commune. Ce qui concerne le commerce ambulant, nous voyons beaucoup de gens ici dans la capitale qui circulent en vendant leurs articles. Ils sont poursuivis, leurs marchandises sont saisies. Ces gens sont capables de développer le pays parce qu'ils sont en train de s'initier dans le commerce. Et pourtant, le code du commerce, section D, en commençant par l'article 54 jusqu'à 51, stipule que le commerce ambulant est permis sans aucune condition, sauf l'inscription communale pour avoir un numéro d'immatriculation. Vous ne voyez pas que ces commerçants ambulants sont victimes des lois appliquées. Alors qu'ils ne sont pas vulgarisés. Joseph Butore, deuxième vice-président de la République, salue cette contribution et affirme qu'ils vont trouver la solution. Merci beaucoup. Nous allons en étudier au niveau du ministère concerné. L'auberge sera ravie que ces commerçants ambulants posséderont un IF. Il n'y a pas de souci. Il faut les rassembler afin de les recenser et voir comment ils travaillent. Au cas où ils font un métier capable de les aider et de développer le pays, je pense qu'il n'y a pas d'entrave. Merci beaucoup pour cette contribution. Cela se fait au moment où les marchandises des commerçants ambulants sont saisies et quelquefois ces commerçants sont emprisonnés. Dorine Ndaïrore, les stagiaires à notre station. Le comité de l'ONU contre la torture demande aux autorités burundaises de lui soumettre d'ici au 12 octobre un rapport spécial sur l'état d'avancement des enquêtes sur les délits commis depuis avril 2015. Cela ressort d'un rapport rendu public ce vendredi à la suite de la 58e session de ce comité, une session qui était consacrée seulement au Burundi à Genève. Placide Niyomwongere. Ce rapport de 12 pages a été la conclusion des travaux de la 58e session du comité de l'ONU contre la torture entamée le 25 juillet. Ce comité dit qu'elle s'est profondément préoccupée de graves violations des droits de l'homme qui auraient été commises au Burundi depuis avril 2015 dans le cadre de répression du mouvement de protestation contre la candidature de Pierre Nkurunziza. Ce comité ajoute encore qu'il a examiné le rapport spécial et qu'il avait demandé au Burundi, après avoir reçu des informations alarmantes, faisant état de possibles cas de torture liés à la politique ou à l'ethnie. Ce comité dénonce également des disparitions forcées, citant ici le chiffre de 36 cas, alors que 348 cas d'exécution extrajudiciaire et 651 cas de torture ont été enregistrés au cours de cette même période et chargés en majorité à certains éléments de la police, du Service national de renseignement et au jeune Imbonerakure du parti au pouvoir, poursuit le même rapport. Ce comité de l'ONU contre la torture dit également s'être inquiété par des informations faisant état de probables fausses commises au Burundi. À tous ces délits, ce comité demande aux autorités burundaises d'ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales et de mettre en œuvre sans délai des moyens nécessaires afin de localiser, préserver et mettre en surveillance ces sites de présumés de fausses commines afin qu'une commission d'enquête indépendante puisse entamer le processus d'exhumation, d'analyse et d'identification de ces corps s'ils existaient réellement. En plus, ce comité demande au gouvernement de lui soumettre d'ici au 12 octobre un rapport spécial de suivi sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations figurant dans ce rapport. Signalons qu'une délégation burundaise avait pris part dans les activités de cette 58e session de ce comité contre la torture à Genève, mais a annulé sa participation le lendemain pour protester contre la présentation d'un autre rapport qui allait être défendu après être établi par les représentants de certaines organisations de la société civile burundaise dénonçant les mêmes cas de torture au Burundi. Merci Placide. Droits de l'homme toujours. Le groupe de pression Achouva a entamé à partir de la semaine prochaine une demande d'identification des deux corps retrouvés dans la Mouarazi et cela par des services spécialisés. Ils ont été acheminés vers une morgue. Mutilés et fortement abîmés, il n'a pas été possible de les identifier. Pour le moment, Iwachu ne peut donc pas dire si le corps du journaliste Jean-Luc Guilimana est parmi les cadavres retrouvés. Néanmoins, dans un communiqué de presse publié sur son site, le groupe de pression Iwachu annonce la poursuite de ses enquêtes. Ce journaliste de groupe du groupe de Presse Iwachu et collaborateur du site Infogralac a disparu le 22 juillet dernier à Bugarama, dans la province de Bujumbura. Et la communauté mutualité des Banyamurenge, qui était dans un camp de réfugiés à Gatumba, David Banogé, le porte-parole de cette association des Banyamurenge du Burundi, s'étonne du fait que ceux qui ont assassiné ces réfugiés restent toujours en liberté. Évrard Havzalimana. La date du 13 août 2004 est une date inoubliable pour l'ethnie des Banyamurenge de la République démocratique du Congo, où ces réfugiés Banyamurenge ont été sauvagement assassinés à Gatumba, en province de Bujumbura. Selon David Banogé, le porte-parole de la communauté des Banyamurenge affirme qu'ils ne baisseront jamais les bras tant que les auteurs de ce crime soient arrêtés et punis conformément à la loi. Nous, nous demandons au gouvernement de nous rendre justice. Les revendicateurs des crimes sont là, ils sont connus. Bien qu'ils soient aujourd'hui dans le Parlement, représentent le peuple burundais, on va toujours revendiquer jusqu'à ce que la justice soit rendue. Selon toujours son porte-parole de l'association des Banyamulenge, il garde toujours de l'espoir qu'un jour la justice burundaise les rétablira dans leurs droits. Rappelons qu'à cette date du 13 août 2004, dans ce cas de réfugiés, on a assassiné plus de 160 réfugiés Banyamulenge et plus de 100 blessés. Merci Évrard. Les questions liées à la vie doivent être une priorité. Cela ressort du mémorandum de la coordination de la campagne contre la vie chère au Burundi adressé à Benjamin Mkapa, le facilitateur dans la crise burundaise. Gabriel Oufiri estime que les droits vitaux doivent être pris en compte pour qu'il y ait des avancées dans les négociations. Suivez Gabriel Oufiri. Il y a les droits qu'on dit des droits vitaux, des droits fondamentaux de l'homme qui sont le droit de se nourrir, le droit de se faire soigner, le droit de se loger et le droit d'avoir une justice juste. Si ces droits sont bafoués, sachez que c'est tous les droits de la personne humaine qui sont bafoués. Et si on analyse les vraies causes de cette crise, il est clair que c'est ces trois droits que chacun essaye de protéger. Donc si la personne n'a pas de quoi se nourrir, n'est pas capable de se faire soigner, sachez qu'il doit tout faire, il doit utiliser toute sa force pour que ces droits soient respectés. Voilà pourquoi ceux qui se font, s'il y a des assassinats, s'il y a des tueries, sachez que c'est une partie de la population, une partie des politiciens qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir pour protéger ses droits. Mais nous nous disons que facilitateur dans la crise burundaise, la région, la communauté internationale, puisse nous aider pour que justement on ne continue pas à traiter les conséquences alors qu'il y a des vraies causes. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette crise termine parce que justement ils sont en train de tirer profit de cette crise. C'était Gabriel Rouftiri de l'Olucom. La nouvelle loi sur la fiscalité communale n'est pas assez connue des Burundais pour permettre une perception aisée des impôts et taxes. Certains sénateurs parlent d'une loi importante, mais difficilement compréhensible par tous. Le premier vice-président de la République invite plutôt les présidents des conseils communaux à prendre la question en main. Cette nouvelle loi présente des lacunes qu'il faut corriger. Faisait remarquer Freddy Monima, maire de la ville de Bujumbura. C'était le 7 juin de cette année. Mireille Kanyang. La mise en application de la loi sur la fiscalité communale, qui date de mars 2016, suscite encore des interrogations chez certains sénateurs. Agnès Gahwayi l'a souligné ce jeudi devant les deux chambres du Parlement réunies. En ce qui est de la fiscalité communale, des gens sont sensibilisés à travers le pays. Je demande, est-ce que cette loi est suivie sur tout le territoire où nous sommes encore au stade des formations? Elle date de mars. C'est une loi importante et difficilement compréhensible de tous. On avait dit qu'il y aura d'autres agents qui vont aider dans sa mise en œuvre. Sur cette interrogation, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, appelle plutôt les présidents des conseils communaux à s'approprier de la question. C'est vrai que ces lois sont nouvelles. Vous l'avez vu, il y a eu la formation, la sensibilisation sur la fiscalité communale. Il y a des administrateurs qui ont du mal à s'approprier de son fonctionnement. C'est pourquoi on a multiplié les descentes. Aujourd'hui, le développement du pays doit passer par celui des communes. C'est pourquoi les présidents des conseils communaux devraient prendre en main cette question pour sa mise en œuvre. Cette nouvelle loi sur la fiscalité communale présente certaines lacunes, comme le dit Freddy Mbonimha, maire de la ville de Bujumbura. C'était le 7 juin de l'année en cours. La nouvelle loi que nous sommes en train de vulgariser, de comprendre, elle a aussi des lacunes. Des lacunes par rapport à l'organisation de la mairie de Bujumbura. Je crois qu'on devrait revoir certains articles, notamment sur la taxe sur activité. Alors, dans la loi, on dit que celui qui a des activités au niveau annuel, qu'il a un chiffre d'affaires de 24 millions, que celui-là n'allait pas payer. Alors, si celui-là ne paye pas, ça veut dire qu'au niveau des communes et au niveau de la mairie, on aura une très grande perte. Il y a aussi, sur l'impôt locatif, on a dit que celui qui ne dépasse pas 150 000 francs ne devrait pas payer. Alors si vous regardez dans nos quartiers, ça veut dire que toutes les maisons de la ville, de la mairie, des communes, ne vont pas payer l'impôt locatif. La nouvelle loi sur la fiscalité communale avait été mise en place pour que les communes soient le point de développement du pays. Merci Mireille. Plus de 160 enseignants de la province Rouyigui vont subir un redéploiement avant que cette année scolaire prochaine ne commence. Les enseignants de la commune Rouyigui et Bgueyrou sont les plus touchés par cette mesure et les plaintes s'annoncent déjà pour diverses raisons. Le directeur général chargé des ressources humaines au ministère ayant en charge l'enseignement promet que les recours fondés seront traités à la satisfaction des concernés. Correspondance de Jean-Claude Chimiliman. Un total de 162 enseignants de la province Rouyigui sont soumis au redéploiement avec le début de cette année scolaire prochaine. Nombreux sont issus des communes Rouyigui et Bgueyrou, où ils sont à 53 enseignants, soit 32,71% pour chacune des deux communes du total d'enseignants à redéployer. Parmi eux, 134, soit 82,71, sont affectés aux écoles qui se trouvent dans les communes où ils étaient, et 28 autres, soit 17,28, sont affectés aux écoles qui se trouvent dans les communes frontalières avec celles où ils étaient. Parmi les deux catégories, les plaintes laissent déjà couler trop d'encre pour diverses raisons. Certains disent qu'ils sont redéployés alors qu'ils sont plus anciens à leurs écoles d'origine que certains de leurs collègues restés sur place. D'autres disent qu'ils sont redéployés aux écoles très éloignées de leurs foyers conjugaux, à tel enseigne qu'ils ne pourront pas rentrer dans leur ménage et trouvent qu'il s'agit tout simplement d'une séparation de famille. D'autres encore soulèvent des problèmes de santé qui ne leur permettaient pas de faire de marches régulières sur de longues distances, indique-t-il. Face à toutes ces grognes, Deogracias Nunguka, directeur général chargé des ressources humaines au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions, dit que le redéploiement des enseignants est un projet du gouvernement burundais en exécution en vue d'une gestion rationnelle du personnel enseignant. Quiconque se sentirait lésé, il n'a qu'à l'annoncer à la direction provinciale de l'enseignement, promettant qu'il sera rétabli dans ses droits par une commission habilitée au cas où sa réclamation serait fondée, a indiqué Deogracias Nunguka. Jean-Claude Nshimirimana, Rouyigui, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude du sport. Pour terminer ce journal, c'est avec ces Burundais qui se trouvent à Rio au Brésil aux Jeux Olympiques qui s'y déroulent. La journée de ce vendredi a été dramatique pour Antoine Gakeme en athlétisme. Il s'est arrêté en série de 800 mètres. Le médaillé d'argent des championnats du monde en salle a terminé 6e en 1 minute 47 secondes dans une série dominée par le Djiboutien Alaleh Souleyman. Au marathon, Diane Nukuri, qui a renoncé au marathon, a terminé 13e sur 37 engagé et en a profité pour battre son propre record du Burundi, désormais fixé à 31 minutes 28 secondes. Un chrono qui efface des tablettes, celui réalisé cette année au meeting de Palo Alto aux États-Unis le 1er mai dernier. Et c'était de 31 minutes 57 secondes. Une course rapide dominée par l'Éthiopienne Ayana qui bat le record du monde de la distance en 29 minutes 17 secondes. Diane Nukuri disputait ses troisièmes Jeux Olympiques après les deux de Sydney en 2000. Sur 5000 mètres et ceux de Londres en 2012 au marathon. Et sur 50 mètres nage libre, Elsie Uwamahoroe a été éliminée en série. Elle se classe 7e avec un temps de 33 secondes de 70 affiché devant la malienne Fatouma Sama Sekou. Elle recule par rapport aux Jeux de Londres en 2012 où elle avait réussi 33 secondes 14. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Vous étiez avec Jean-Bosco Nduana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée, un bon week-end à l'écoute de nos programmes.